إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الدنيا، وليست خسارة المال والمنصب أو الوظيفة أو التجارة، بل الخسارة الحقيقية هي خسارة الباقية الآجلة. ومتاع الدنيا ليس مقياسا للربح والخسارة، فكم من رابح في الدنيا وهو خاسر يوم القيامة. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والربح والخسارة في ميزان العقلاء ربح الإيمان والفوز بالآخرة، والإنسان خاسر أبدا خسارة عمره ومآله مهما جمع وحوى وحاز واستولى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا وحققوا إيمانهم بعمل الصالحات وتجملوا بالصبر والتزموا طريق الحق هم الفائزون. وأعظم الخسارة خسارة الدين. كل خسارة في الدنيا تهون إلا خسارة الدين، لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها الهلاك في الآخرة. خسارة الدين بانحراف شبهة أو شهوة، أو بتضييع أركانه وتمييع أحكامه، أو يخسره لخدمة دنياه وبلوغ مصالحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Chers musulmans et musulmanes, sachez que la véritable perte, la véritable perdition ne réside pas dans la perte de cette vie d'ici-bas. La véritable perte, ce n'est pas le fait de perdre ses biens ou de perdre son poste, ou de perdre son métier, ou de perdre son commerce. Mais la véritable perte, c'est le fait de perdre la vie de l'au-delà, celle qui est éternelle. Et les biens mondains ne sont pas la bonne jauge par laquelle nous mesurons la perte ou non. Car combien de personnes sont gagnants dans les biens de cette vie d'ici-bas? Combien de personnes sont aisées? Combien de personnes sont riches? Combien de personnes et combien de personnes? Mais ces mêmes personnes qui sont aisées dans cette vie d'ici-bas seront les perdants le jour de l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, les perdants, dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Et sachez que le fait de gagner ou de perdre, dans le jugement des gens doués de raison, le fait de gagner réside dans le fait d'avoir la foi et de gagner la vie de l'au-delà. Et l'être humain dans cette vie d'ici-bas est perdant. Il est perdant dans ses biens. Il est perdant dans son devenir. Allah Azza wa Jal dit par le temps, l'être humain est certes en perdition. Puis Allah Azza wa Jal a émis des exceptions en disant, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement la l'endurance et la patience. Et sachez que la plus immense des pertes que peut connaître l'être humain, c'est la perte de sa religion. Toutes les autres pertes ne sont que minimes et ne sont qu'insignifiantes devant la perte de la religion. Car de perdre sa religion, cela a pour conséquence directe la perdition, wal'iyadu billah, dans l'au-delà. Celui qui cause la perte de sa religion à travers une ambiguïté ou à travers une tentation, celui qui cause la perte de sa religion en étant manquant face à un pilier de la religion ou en étant laxiste face à un jugement de la religion, ou celui qui utilise la religion pour des biens mondains. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jal en disant « Et ne fais pas le malheur dans notre religion. » ومن ضيع العمل وأهمل في تحصيله خف العرض خف يوم العرض ميزانه وانقصت أعماله فترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات ويغدو من الخاسرين. قال تعالى في سورة الأعراف: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولما أهبط آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن فقد مغفرة الله وعفوه ورحمته وقربه فهو من الخاسرين. ومن سمات الخاسرين خلف الوعد ونقض العهد وإبطال الميثاق والإفساد في الأرض. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وطاعة الكافرين وموالاتهم علامة الخاسرين. والقرآن يحذرنا من سوء العاقبة والمآل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومن سمات الخاسرين أن عبادتهم تدور مع المصلحة الدنيوية. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. من الناس من لا يعبد الله ولا يحمده إلا في حالة الرخاء، إذا حلت الدنيا بداره عبد ربه وأطاعه، وإذا رحلت الدنيا عن حياته انقلب على وجهه يتمسك بالعبادة حال النعمة ويصد عنها حال الضراء خسر الدنيا والآخرة. ومن الخسران ما ذكره القرآن في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن ألهته أمواله وشغله أولاده وضيع بسبب ذلك العبادة والطاعة لله ظنا منه أن ذلك سبيل الربح فهو واهم مغرور، يخيل إليه أن هذا سبيل المتاع والأمن والنعمة، وما علم المسكين أنه لطريق الخسارة سالك. ومن اتخذ الشيطان وليا يحكمه في ليله ونهاره وقوله وفعله وماله ومآله فهو خاسر. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui qui délaisse les bonnes actions dans cette vie d'ici-bas, il trouvera sa balance le jour du jugement qui sera légère. La balance de ses bonnes actions sera légère et la balance des mauvaises actions prendra le dessus et il fera ainsi partie des perdants. Il dit subhanahu wa ta'ala, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et lorsque Adam et Hawa alayhim assalam ont été exclus du paradis, ils ont dit, comme Allah Azza wa Jal nous le relate dans Sourate Al-Baqarah, « Ô Seigneur, nous avons causé du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, nous ferons alors partie des perdants. Ainsi, celui qui ne bénéficie pas de la miséricorde d'Allah, celui qui ne bénéficie pas de la miséricorde d'Allah, celui qui ne bénéficie pas de la clémence d'Allah, fait partie des perdants. Et parmi les caractéristiques des perdants également, ceux qui ne tiennent pas leur engagement, ceux qui trahissent les promesses qu'ils ont tenues, ceux qui sèment la discorde sur terre. Allah Azza wa Jal dit, ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre, alors ce sont eux les perdants. De même que d'obéir à ceux qui ne croient pas, d'être allié avec eux fait partie des signes de la perdition. Et le Coran nous met en garde contre les mauvaises conséquences qui découlent de ceux qui obéissent à ceux qui ne croient pas. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. De même que parmi les signes des perdants, ceux qui n'adorent Allah Azza wa Jal que lorsqu'ils trouvent un bénéfice mondain. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Hajj, il en est parmi les gens qui adorent Allah avec hésitation. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. En effet, chers musulmans et musulmanes, il y a parmi les gens ceux qui n'adorent Allah, ceux qui ne louent Allah que lorsqu'ils sont dans des situations aisées et faciles et tranquilles. Mais lorsque il a une bonne situation dans cette vie d'ici-bas, alors il se met à adorer Allah et à lui obéir. Par contre, lorsqu'il fait face à des difficultés, lorsqu'il fait face à un manque de moyens, alors il tourne son visage. En vérité, cette personne n'adore Allah Azza wa Jal que lorsqu'il est comblé de bienfaits. Et il se détourne de l'adoration d'Allah lorsqu'il est victime d'une épreuve ou d'un mal. Et Allah Azza wa Jal nous informe que ce genre d'individus seront perdants et auront causé la perte de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Également, parmi les formes de perte, celles dont Allah Azza wa Jal nous informe dans Sourate Al-Munafiqoun, lorsqu'il dit Azza wa Jal selon le sens, ô vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah, et celui qui agit ainsi fait partie des perdants. Celui donc qui est distrait, qui se détourne de l'adoration d'Allah, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est trompé par ses biens, parce qu'il est préoccupé par ses enfants, alors cette personne fait partie des perdantes. Il pense qu'il est sur le bon chemin. Il pense que c'est en s'occupant de ses biens et de ses enfants, au dépit de sa religion, il pense que c'est cela la victoire. Il est en réalité trompé par sa propre personne, car en réalité, il a emprunté la voie qui l'amène directement à la perte, wal'iyadu billah. De même que celui qui prend le diable comme allié, celui qui se laisse commander, et celui qui obéit nuit et jour au diable, celui qui, dans ses paroles et ses actes, dans ses biens, ne suit que les directives diaboliques, nul doute que cette personne sera perdante. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, et quiconque prend le diable pour allié en dehors d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Wa min suwaril khasara wa alim al hasra iflas rasil al ta'a ba'da an amila al muslim a'malan kathiratan fi wujuh al birr wa tazdad al hasra hina ya'juz al rasid an al qada fayakun al tasdid بتحمل سيئات العباد فيخرج من الدنيا حزينا على ما قدم من إساءة وهناك لا مجال لتعويض الخسارة وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه رضي الله عنهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ومن كذب بلقاء الله ولم يعمل له وقصر أمله في الحياة الدنيا وخدع نفسه فهو خاسر قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les formes de perte et de perdition, parmi les formes de regrets extrêmement douloureux, le fait d'être démuni de bonnes actions, le fait que le musulman accomplisse de nombreuses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que cela ne lui permettra pas de rembourser ses dettes le jour du jugement. Il devra même, pour pouvoir rembourser ses dettes, supporter et prendre à son actif les mauvaises actions d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son sahih, s'est adressé à ses compagnons radiyallahu anhum, et leur a dit, savez-vous qui est le pauvre? Savez-vous qui est le démuni? Ils ont dit, le démuni parmi nous, ô envoyé d'Allah, est celui qui n'a ni bien ni dirham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pauvre de ma communauté viendra le jour du jugement avec à son actif des prières, du jeûne, de l'aumône, mais il viendra le jour du jugement, alors qu'il aura dans cette vie d'ici-bas insulté un tel, il aura calomnié sur un tel, il aura pris les biens injustement d'un tel, il aura fait couler le sang d'un tel, il aura frappé un tel. Ainsi le jour du jugement, l'on donnera de ses bonnes actions à un tel et un tel, envers qui il a été injuste. Ces personnes qu'il a offensées, l'on prendra de ses bonnes actions et on les distribuera à ses victimes. Et si ses bonnes actions se terminent avant qu'il n'ait remboursé ses dettes et avant que son jugement ne soit terminé, alors l'on prendra des mauvaises actions de ses victimes et on les versera sur lui, puis il sera jeté en enfer. Et sachez également, chers musulmans et musulmanes, que celui qui traite de mensonge la rencontre d'Allah, que celui qui n'œuvre pas et ne se prépare pas à la rencontre d'Allah et n'a qu'une vision restreinte et ne regarde que cette vie d'ici-bas, ce sera lui le perdant. Il dit subhanahu wa ta'ala, connaîtront la perte ceux qui auront traité de mensonge la rencontre de leur Seigneur. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم اعلموا أن من الخسارة تضييع الصلوات وتأخيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنه ضاع أهله وماله. والنوم عن صلاة الفجر وأداؤها بعد حر الشمس خسارة وتفويت للفوز العظيم والربح الكبير. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذي صلى الفجر بعد طلوع الشمس؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وفي رواية في أذنيه. وضياع الوقت من صور الخسارة، والوقت لا يخلفه شيء، وإذا انقضى لا يرجع ولا يعود. والعاقل يتأمل سرعة انقضاء الأوقات ويعرف كم ربح فيها وكم خسر. وقد تلحق الخسارة الأمة جمعاء. قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que fait partie de la perte le fait d'être négligent envers ses prières et de les accomplir après leurs heures. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui rate la prière de l'Asr, c'est comme celui qui a perdu ses biens et sa famille. C'est comme celui qui, d'un instant à un autre, on lui apprend qu'il a perdu tous ses biens et toute sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui est touché d'une telle catastrophe, eh bien que cette catastrophe est aussi grande que celui qui accomplit la prière de l'Asr après son heure. Quant à dormir pendant la prière du matin et ne l'accomplir qu'après que le soleil ne se lève, celui qui agit ainsi est passé devant un énorme bien et devant une énorme et une gigantesque cagnotte. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette personne qui ne prie le fajr qu'après que le soleil se soit levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui-ci est un homme dans lequel le diable a uriné dans ses oreilles. Celui-ci est un homme dans lequel le diable a uriné dans ses oreilles. De même, le fait de perdre son temps fait partie des causes de la perte, car le temps ne peut être compensé par rien d'autre. Et lorsque le temps passe, il ne reviendra plus jamais. Ainsi, le doué de raison est celui qui réagit rapidement lorsqu'il perd ne serait-ce qu'une seule minute. Et le doué de raison est celui qui fait ses comptes. Celui qui fait ses comptes comme le commerçant fait ses comptes à la fin de chaque année pour savoir combien il a dépensé et combien il a reçu d'argent afin de calculer de façon précise ses bénéfices. De même, la personne douée d'intelligence, la personne qui a une raison saine est celle qui médite sur le temps et sur sa gestion du temps pour savoir s'il fait partie de ceux qui utilisent leur temps à bon escient ou alors de ceux qui perdent leur temps. Puis sachez également que une communauté peut être victime de la perte et que la perte d'un individu peut causer la perte d'une communauté. Allah Azza wa Jal dit que deux cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en donnâmes compte avec sévérité et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Elles goûtèrent donc les conséquences de leur comportement et le résultat final de leur action fut leur perdition. وقد يتساءل العاقل كيف أحمي نفسي من الخسارة وأين هي التجارة الرابحة وقد بين القرآن معالم التجارة الرابحة التي لا يلحقها خسارة ولا ندامة تجارة مأمونة الخسائر إنها التجارة مع الله تبارك وتعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Et une personne peut se demander « Comment puis-je me prémunir de la perte et de la perdition ? Et où est ce commerce fructueux ?» La réponse est présente dans le Coran. Le Coran nous décrit le commerce fructueux, un commerce qui ne saurait connaître de perte, un commerce que celui qui le met en pratique ne connaîtra jamais de remords et ne regrettera jamais son geste. Un commerce qui ne périt jamais. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous dirige vers un commerce qui vous préservera d'un châtiment douloureux, de croire en Allah, en son prophète, et de combattre dans son sentier avec vos biens, vos personnes, voilà ce qui est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui lisent le livre d'Allah, accomplissent leurs prières, et donnent en aumône de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé, en cachette, comme en public, ils espèrent un commerce qui ne périra jamais. وَالَّذِينَ يُفَرِّطُونَ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ سوف تتقطع قلوبهم حسرات وتذوب أفئدتهم ندما على ضياع الفرصة التي لا تعوض قال تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Et quant à ceux qui ne veulent pas user de ce commerce fructueux qui ne périra jamais, ces personnes connaîtront des remords indescriptibles. Ces personnes se rendront compte de l'occasion qu'ils auront ratée, mais malheureusement, ils s'en rendront compte le jour où il sera trop tard. Allah Azza wa Jal dit, et quand soudain l'heure viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا سبحانه ونسأله تعالى أن يجعلنا من الفائزين في الدارين في هذه الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عجل بفرجهم. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.